algue tu râles quand tu ne râleras plus, ouais. C'est que tu seras crevé. Que tu râles quand tu ne râleras plus, ouais, que tu seras crevé. Râle que tu râles quand tu ne râleras plus, c'est que tu seras crevé. Thank you.